Chapitre 22e. Petit propriétaire, esclavage. Pour la première fois depuis que j'avais passé les montagnes, je me trouvais alors assez de loisir pour jeter les yeux autour de moi avec attention et remarquer les aspects différents des hommes et des choses dans une région qui, quoique portant le même nom et s'appelant le même pays, différait à bien des égards de celle que je venais de quitter, autant qu'Amsterdam diffère de Saint-Pétersbourg. Là, chacun s'épuisait en efforts et travaillait pour soi-même, Dieu le sait. Ici, chaque homme blanc était servi, plus ou moins, par un esclave. Là, les terres nouvellement défrichées, enrichies par l'engrais végétal accumulé pendant des siècles, ne demandaient que le plus léger travail pour accorder le plus riche produit. Partout où passait la charrue, on voyait naître une moisson abondante, mais dans les lieux où elle n'était pas employée, on n'apercevait pas un seul tapis de verdure naturelle, pas un fruit, pas une seule fleur. Ici, le sol avait depuis longtemps fourni sa première récolte. Une grande partie des terres qui avaient été défrichées et cultivées pour y planter du tabac, de toutes les plantes, celles qui épuisent le plus le sol, exigeaient tous les soins d'une culture laborieuse pour produire une récolte, et il en restait beaucoup qui ne servaient que pour la pâture des troupeaux. C'était dans ces endroits que la fertilité naturelle du sol et du climat se montrait par un nombre immense de fleurs et de fruits qui faisaient de chaque ballon une sorte de jardin. En entrant dans les chaumières, je trouvais aussi une grande différence dans la manière de vivre. À la vérité, il y en avait peu où il ne se trouva un esclave, mais où on en voyait encore moins où l'on servit la tranche de bœuf et les oignons au déjeuner, au dîner et au souper. Les harengs du poissonneux Potomac en tenaient lieu. Ils sont excellents pour réveiller l'appétit quand ils sont salés, et si je ne me trompe, on les vend à raison $1,50 le mille. Cependant, le whisky coule abondamment partout au prix malheureusement modique de 1 franc 20 centimes, environ 1 shilling, le gallon, et les effets horribles qu'il produit sont visibles sur la physionomie de chaque homme que vous rencontrez. La classe du peuple qui diffère le plus complètement de toutes les classes qui existent en Angleterre se compose de ceux qui, faisant valoir eux-mêmes leurs terres, connaissent aussi peu les recherches du luxe, et je crois pouvoir dire, les aises de la vie, que les plus pauvres paysans d'Angleterre. Lorsque j'étais dans le Maryland, je suis entré dans les maisons de plusieurs de ces petits propriétaires. J'y suis resté assez longtemps, et j'en ai assez vu et assez entendu pour me faire une idée juste de leur manière d'exister. Une de ces familles se composait d'un jeune homme, de sa femme, de 2 enfants, d'une femme esclave et de 2 jeunes garçons aussi esclaves. La ferme appartenait à la femme et contenait, m'a-t-on dit, environ 300 acres de terre médiocre, mais défrichée en totalité. La maison était construite en bois, si fragile en apparence qu'il semblait que les 3 esclaves l'auraient facilement renversée s'ils en eussent poussé fortement le pignon. Il s'y trouvait une chambre d'environ 12 pieds carrés, communiquant à une autre qui n'était guère plus grande qu'un cabinet. Cette dernière chambre servait de logement à toute la partie blanche de la famille. Au-dessus était un grenier sans fenêtre, destiné, me dit-on, à recevoir la compagnie qui pouvait survenir. Près de la maison était un shanty, espèce de trou sombre où le jour n'entrait que par la porte et qui servait de cuisine, d'office et de chambre à coucher pour les 3 noirs. Nous fûmes invités à prendre le thé avec cette famille et nous y consentîmes très volontiers. L'ameublement de la chambre consistait en une grande table massive et une 12 douzaine de chaises de bois. Quand nous arrivâmes, la dame était dans un négligé un peu sale, mais elle nous pressa de nous asseoir et entra dans le cabinet dont j'ai déjà parlé, d'où elle continua à nous entretenir à travers la porte avec tout le caquet des grandes gens d'un petit village. Enfin, elle reparut avec un autre costume qui n'était pas sans élégance. La négresse mit la grande table et y plaça des coupes de faïence bleue de l'espèce la plus commune. Une de ces coupes contenait un peu de cassonade et une autre quelques gouttes de lait. Point de beurre, quoique notre hôtesse nous eût assuré qu'elle avait 2 vaches et 1 laiterie. Au lieu de beurre, elle nous invita à prendre de la viande salée et du biscuit sec. Telle fut la chair qui fut offerte à des hôtes à qui l'on avait certainement dessein de faire honneur. Je ne pus m'empêcher de me rappeler les repas délicieux que j'avais faits en Angleterre dans de petites fermes occupées non par les propriétaires mais par des fermiers, et qui en payait même un loyer très cher, où la fermière propre, fraîche et affairée écrémait elle-même son lait, étendait un beurre jaune sur d'excellents pains bis et plaçait devant nous ses gâteaux, son lait caillé et tous les trésors de sa laiterie auxquels elle ajoutait le régal plus délicat de bonté et d'excellente crème. Mais la dame chez qui j'étais surpassait de beaucoup mes anciennes amies les fermières d'Angleterre par l'élégance de la conversation, car pendant tout le temps que dura ma visite, elle employa en me parlant un jargon précieux et affecté qu'elle empruntait, je crois, de quelques romans, car on me dit qu'elle en lisait beaucoup et qu'elle laissait à ses esclaves toutes les occupations domestiques. Dire qu'elle m'adressait la parole sur le pied de l'égalité, ce ne serait pas donner une idée juste de ses manières. Elle nous dit que son domaine était le dividende qu'elle avait reçu dans le partage des biens de son père. Elle avait épousé son cousin Germain, qui était aussi beau monsieur qu'elle était belle dame, et non moins fainéant que sa chère épouse, préférant la chasse à toute autre occupation. Il en résultait qu'on n'avait mis en valeur qu'une très petite partie du dividende, et qu'ils étaient dans une extrême pauvreté. Les esclaves, surtout les deux jeunes gens, étaient plus qu'à demi nus. Mais il faut avoir vu l'air de dignité héroïco-burlesque, dont, au milieu de toute cette misère, la maîtresse du logis disait à un des deux jeunes nègres « Lycurgue, servez votre jeune maître, pour pouvoir s'en faire une idée. » L'habitation d'un autre de ses propriétaires était un taudis aussi misérable que celui que je viens de décrire, mais on y trouvait plus d'industrie intérieure. Le maître de la maison faisait à la vérité partie de la classe nombreuse des buveurs constants de whisky, et il était rarement en état de s'occuper d'aucun ouvrage, mais il avait une famille de 12 enfants qui, avec leur squelette de mère, travaillaient beaucoup plus que je n'ai jamais vu aucun nègre le faire. Ils étaient donc beaucoup moins élégants et beaucoup moins pauvres que l'héritière. Cependant, ils vivaient sans aucune apparence d'aisance et n'avaient, je crois, que ce qui est indispensablement nécessaire à la vie. Une preuve en est que leur indigne père ne leur permettait de cultiver aucun légume, même de leurs propres mains, et que leur seule nourriture était du cochon, du poisson salé et du pain, l'été comme l'hiver, sans aucune variation. Je remarquai qu'il en était fréquemment de même chez les fermiers. Le whisky est un luxe dont les hommes font plus de cas que de tous les trésors végétaux des jardins. Si tout leur argent comptant est employé pour s'en procurer, ainsi que leur cher tabac qu'ils mâchent constamment, il n'en peut rester la femme de quoi acheter des graines pour son jardin. Autant que mes observations ont pu s'étendre, je n'ai jamais vu un ménage américain dans lequel la question de boire du whisky ou de s'en passer aurait été décidée en faveur de la femme. Il y a quelques petits fermiers qui tiennent leurs terres à loyer, mais ils ne sont nullement nombreux. Ils payent leur loyer non en argent, mais en abandonnant au maître du sol le tiers de son produit, mode de paiement beaucoup plus avantageux aux locataires qu'aux propriétaires. Mais la difficulté d'obtenir de l'argent en paiement, excepté pour ce qui est vendu en détail, est très grande en Amérique dans toutes les affaires. Je puis payer en produits, et l'offre qu'on fait constamment à ce qu'on m'a assuré, et si elle est rejetée, la réplique ordinaire est « En ce cas, je vois que nous ne pouvons faire affaire ensemble. » L'effet que produit sur les Anglais la vue de l'esclavage, qui s'offre de tous côtés, est tout nouveau, et n'est pas fort agréable. Mais il n'est pas moins pénible d'entendre le souffle de chaque vent répéter les mots dérisoires « Tous les hommes sont nés libres et égaux ». Il faut être dans le cœur de l'esclavage d'Amérique pour bien apprécier ce beau passage de l'épître de Moore à Lord Vicomte Forbes, où il peint peut-être l'état politique de l'Amérique sous des couleurs plus fidèles et plus fortes que tout ce qu'on a jamais écrit sur ce sujet. Oh, liberté, liberté, que je hais ton jargon! Ni les grands mots empoulés de l'Orient, ni les fureurs sauvages des fous revêtus de la pourpre, quand on les compterait tous, depuis Néron à Rome jusqu'à Paul en Russie, ne me déchirent l'oreille par des sons si bas et si vils que l'indigne jargon de cette race factieuse, qui, dépourvue de cœur et prodigue de mots, née pour être esclave et aspirant à la domination, soupire pour la licence en voulant secouer toute espèce de joug et invoque ses droits avec un esprit de rapine au fond de l'âme. Qui peut voir un instant avec patience la masse mélangée d'orgueil et de misère, de chartes et de fouets, de droits et de chaînes, d'esclaves noirs et de démocrates blancs, et de toute la politique bigarrée qui règne en libre confusion dans les plaines de la Colombie. Dieu de justice et de bonté, pensez que l'homme, en ta présence, lève la verge d'un tyran sur des créatures semblables à lui, ayant une âme dont tu es la source, et oser se vanter d'une liberté parfaite. Loin de moi, cette liberté. J'aimerais mieux que ma tête fût à la merci d'un sultan, dans les climats où ce nom n'a peut-être jamais été prononcé, et où l'on n'a jamais réclamé autre droit que celui de commander, que de vivre ainsi dans une contrée où une liberté bâtarde agite en dérision sa bannière en guenille sur la tête d'esclaves, où des lois métisses n'admettent aucun degré entre l'être lâchement réduit à l'esclavage et celui qui est orgueilleux d'être libre, où la servitude et la licence conviennent également à la brute rendue maître et à l'homme rendu brute. La situation des esclaves ne paraît pourtant pas malheureuse en général, mais elle offre ce trait hideux que, si elle l'était, ils n'ont aucun moyen d'y rien changer. J'ai vu donner beaucoup d'attention à la santé des esclaves. Mais il est impossible, en ces occasions, d'oublier que, faute de cette attention, le maître risquerait de perdre une portion précieuse de sa propriété. Malheureusement, les esclaves le savent aussi. Et il en résulte qu'il ne peut exister que bien rarement un véritable sentiment d'affection entre eux et leur maître. On dit que les esclaves nés dans une famille s'attachent aux enfants qui ont cru avec eux. Cela peut être vrai quand de petits actes de tyrannie enfantine n'ont pas été assez loin pour détruire ce sentiment de bienveillance qui est naturellement produit par une longue liaison remontant jusqu'au berceau. Et cette sorte d'attachement peut durer aussi longtemps qu'on peut tenir l'esclave dans cet état d'ignorance profonde qui ne permet pas la réflexion. Les lois dans la Virginie ont eu soin d'y pourvoir. On peut dire avec vérité que les législateurs de cet état ont été plus sages dans leur génération que les enfants de la lumière, et ils ont garanti leur sûreté en empêchant la lumière de pénétrer parmi eux. Une loi de la Virginie prononce une peine contre quiconque apprend à lire à un esclave, et contre tout fauteur et complice du crime de les instruire. Cette loi en dit plus que des volumes. En général, les esclaves sont passablement nourris et décemment vêtus, et la manière dont ils sont logés paraît leur être fort indifférente. Il est rare qu'ils subissent la peine du fouet, et ils sont bien soignés dans leur maladie. Tels sont les traits favorables de leur situation. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on peut les envoyer dans le sud et les vendre. C'est la grande crainte de tous les esclaves au nord de la Louisiane. La culture de la canne à sucre et surtout celle du riz sont la terreur des nègres d'Afrique. Et ce n'est pas sans raison, car elle ouvre un tombeau prématuré à des millions d'esclaves, et pour ne rien perdre, il faut faire en sorte que leur travail préalable indemnise de leur valeur. Le système de favoriser la propagation des nègres dans les États septentrionaux dans le dessein exprès de les vendre ensuite dans ceux du Sud offre quelque chose qui révolte tous les sentiments de justice, de merci ou même d'humanité. Pendant mon séjour en Amérique, je m'étais complètement persuadé que la situation d'un esclave dans une famille était préférable à celle d'un domestique à gages dans le même pays, tant parce qu'ils sont plus estimés et mieux soignés, que parce qu'étant nés dans leurs conditions, leur esprit n'a point à lutter contre ce mécontentement rongeur qui semble le partage de tous les domestiques libres en Amérique. Mais ce cas est tout différent à l'égard de ceux qui, dans leur propre personne ou dans celle de leurs enfants vainement aimés, sont exposés au trafic épouvantable dont je viens de parler. En quoi leur condition vaut-elle mieux que celle des nègres enlevés sur les côtes de l'Afrique? Pendant notre séjour dans la Virginie, j'eus une forte preuve de l'horreur que leur inspire cette émigration forcée. Le père d'un jeune esclave, qui appartenait à la dame chez qui nous logions, devait subir ce destin. Une heure après qu'il en fut instruit, il aiguisa la hache avec laquelle il venait d'abattre des arbres, et de la main droite, il se coupa la main gauche. Mais c'est un sujet sur lequel je n'ai pas dessein d'appuyer. Il a été trop bien traité tout récemment par une main beaucoup plus habile. Tout ce que je désire faire remarquer, ce sont les effets qu'il produit sur les sentiments moraux et sur les manières extérieures du peuple. Et ils sont incontestablement très funestes. Le même homme qui nargue son voisin plus riche et mieux élevé que lui en lui disant avec l'orgueil d'un fanfaron « Je vaux autant que vous », se tourne vers son esclave et le renverse à coups de poing. Si le sillon qu'il a tracé ou l'arbre qu'il a battu ne plaise pas à cet ami de l'égalité. La fausseté manifeste empreinte sur la surface même des principes de cet homme à quelque chose de révoltant. Ce n'est point parmi les hautes classes que la possession des esclaves produit les plus funestes effets. C'est dans celle des pauvres propriétaires, qui sont fréquemment aussi profondément ignorants que les nègres qu'ils possèdent. Ce pouvoir absolu sur les esclaves des deux sexes conduit à la démoralisation. Et le genre d'autorité grossière, pour ne pas dire brutale, qu'ils exercent sur eux, offre le spectacle moral le plus dégoûtant que j'aie jamais vu. Il me parut pourtant que la position relative du maître et de l'esclave paralysait dans tous les rangs les plus nobles et les meilleurs sentiments du cœur humain, ce qui nuit d'une manière irréparable au caractère et au cœur des enfants. En Virginie, nous logeâmes quelque temps dans une famille composée d'une veuve et de ses quatre filles, et j'y fus témoin d'une scène qui est une forte preuve de l'effet dont je viens de parler. Une jeune esclave d'environ 8 ans avait trouvé dans un buffet un biscuit beurré qui la tenta, et elle en mangea une portion considérable avant qu'on s'en aperçût. On avait mêlé au beurre de l'arsenic pour empoisonner les rats, et une des jeunes personnes de la famille avait placé dans le buffet cet appât perfide sans aucune précaution. Dès qu'on en fut instruit, la maîtresse de la maison vint me consulter sur ce qu'il y avait de mieux à faire pour soulager cette pauvre enfant, et je lui fis boire sur le champ un grand verre d'eau et de moutarde, celui de tous les émétiques qui agit le plus rapidement. Cette potion produisit promptement l'effet que j'en attendais, mais la jeune enfant, par suite des nausées qu'elle éprouvait, ou de la terreur dont elle avait été saisie en entendant autour d'elle une demi-douzaine de voix déclarer qu'elle allait mourir, tremblait si violemment que je crus qu'elle allait tomber. Je m'assis par terre dans la cour où nous étions, et tout naturellement je pris sur mes genoux la petite malade. Je remarquai une sorte de ricanement parmi la partie blanche de la famille, tandis que les noirs se tenaient à l'écart et semblaient plongés dans une morne surprise. La plus jeune des filles de notre hôtesse, étant à peu près du même âge que la jeune esclave, s'écria enfin, après m'avoir regardé quelques instants avec un profond étonnement, « Là, Mrs. Trollope l'a prise sur ses genoux et essuyé sa vilaine bouche. Je n'aurais pas voulu toucher sa bouche pour 200 $. » La petite esclave fut mise au lit et je rentrai dans mon appartement. Quelque temps après, j'envoyai demander comment elle se trouvait et j'appris qu'elle souffrait beaucoup. Je sortis sur le champ pour prendre moi-même de plus amples informations. Je m'adressai à une autre des jeunes personnes de la maison, celle dont l'imprudence avait causé cet accident, et à peine put-elle s'empêcher de rire en répondant à mes questions empressées. Elle me dit qu'on avait envoyé chercher le docteur, et partit ensuite d'un éclat de rire qu'elle ne put retenir. L'idée de prendre un véritable intérêt aux souffrances d'une esclave leur paraissait aussi absurde que de pleurer un veau qui vient d'être égorgé par le boucher. Les filles de mon hôtesse avaient toute l'amabilité qu'on peut devoir au teint et au trait, mais ce manque total de sensibilité neutralise le charme de la jeunesse et de la beauté, et il faut en être le témoin pour le concevoir. L'opinion générale paraît être, en Amérique, qu'aucun individu de race nègre ne mérite de confiance, et comme, d'après les idées reçues, la crainte est le seul principe qui puisse agir sur un esclave, on ne peut être surpris que cette allégation soit juste. Mais je suis persuadé que si l'on adoptait à leur égard un autre mode de traitement moral, il en résulterait des suites aussi heureuses qu'importantes. Les nègres sont très sensibles à la bonté, et je crois que si on leur montrait de la bienveillance, on les rendrait plus utiles et plus obéissants qu'en employant tout autre mode pour les discipliner. Les émanciper complètement dans les États de l'Union, c'est, je crois, à quoi l'on ne peut penser sans mettre en danger la sûreté du pays. Mais si la législature prenait en considération la possibilité d'améliorer leur sort, en conciliant ce que demandent la prudence, la justice et la merci, la population noire des États-Unis cesserait d'être un objet de terreur, en même temps que sa situation ne serait plus un objet d'indignation et de pitié. Dans tous les États où l'esclavage est admis, je remarquais partout que tous les objets de consommation sont constamment enfermés. Dans les grandes familles, dont l'établissement étendu multiplie le nombre des clés, on les place dans un panier confié aux soins d'une petite négresse, qu'on voit constamment suivre tous les pas de sa maîtresse, ce panier suspendu à son bras. on prend cette précaution non seulement pour avoir toujours ses clés à sa portée, mais parce que si on les perdait de vue un seul instant, cet instant serait consacré au pillage. Il me sembla, dans cette occasion comme dans beaucoup d'autres, qu'on devait trouver fort gênant d'être toujours suivi par ces ombres noires. Mais toutes les fois que j'en parlais, on m'assura qu'il n'en était rien et que l'habitude faisait qu'on ne songeait nullement à leur présence. Dans le fait, j'eus bien des occasions de remarquer le peu d'attention que faisaient les Américains à la présence de leurs esclaves. Ils parlent d'eux, de leurs conditions, de leurs facultés, de leur conduite, comme s'ils étaient hors d'état de les entendre. J'ai vu un jour une jeune personne qui était à table entre un cavalier et une dame porter la délicatesse jusqu'à usurper une partie de la chaise de la voisine pour n'être pas en contact avec le coude d'un homme, et une autre fois lacer son corset avec le plus grand sang-froid devant un esclave nègre. Un habitant de la Virginie me dit aussi que, depuis qu'il était marié, il avait coutume de faire coucher une jeune négresse dans la chambre que sa femme et lui occupait. Je lui demandai à quoi pouvait être utile ce service nocturne. « Juste ciel ! S'écria-t-il, si j'avais besoin d'un verre d'eau, que deviendrais-je »